vous êtes un patron soucieux du bien-être de vos salariés. Allô, Martino ? Alors, les vacances, ça se passe bien ? Ben oui. J'espère que vous ne consultez pas vos emails pendant les vacances, hein. C'est important de faire une vraie coupure. Vous n'hésitez pas à appeler vos collaborateurs le soir pour vous assurer qu'ils sont bien rentrés. Allô, Martino ? Il n'y avait pas trop d'embouteillages ? Non, ça va. Dites, ça vous dit un ciné ce soir ? Vous passez les voir le dimanche pour vérifier qu'ils n'appréhendent pas le début de semaine. Hé, Martino, doucement, les barbecues. Vous allez pas me faire du cholestérol, j'espère. Dites, je peux dormir chez vous ? Comme ça, on part ensemble au bureau demain matin. C'est plus pratique, non ? Ah bon ? Attention, ne confondez pas amitié au travail et relations toxiques. Il est très probable que vos collaborateurs ne puissent plus vous voir en peinture. Moi, j'ai même dû déménager sans laisser d'adresse. Pour une ambiance saine au sein de votre entreprise, pensez à rester chez vous. Et arrêtez d'appeler. C'était un message de la prévention psychologique.